tomber amoureuse comme on tombe d'une chaise. Même pas mal, elle me rend heureuse comme elle est balèze. Elle est pas mal, dans le creux de ses bras, je me sens à l'aise. Et tous les jours, quand je la vois, je l'admire. Elle est trop belle. Alors j'écris, oui, j'écris pour lui faire plaisir, pour que ses yeux pleurent quand ma voix lui dit « Je t'aime, mon cœur ». Et je vais vous dire un secret. Je fume beaucoup pour un peu mieux chanter, que ma voix cassée, la face un peu plus planée, et que son corps, sous le son du violon tristounet, vibre un peu plus fort et soit passionné. Elle est trop belle, mon rayon de soleil, ma lueur d'espoir. Quand je m'endors le soir, elle est trop belle. Quand ses yeux me caressent et que ses mains se baladent sur mes fesses. Mais vous la verriez, vous en penseriez pas moins, et peut-être même que vous voudriez sa main. Elle est trop belle, elle est trop belle, mon rayon de soleil, ma lueur d'espoir. Quand je m'endors le soir, quand elle est trop belle. Et si l'amour est un canapé, elle serait mon accoudoir quand je regarde la télé dans le noir. Et si l'amour est un gâteau, elle est la cerise, celle que je désire. Cette rime ne rime à rien. Mais si l'amour est un vélo, elle est la pédale sans jeu de mots. Elle est mon essence, celle qui dans le réservoir redonne un sens à mon histoire. Il y a des jours avec et des jours sans, mais depuis que je suis avec, j'aime le vent. Ça me rappelle qu'on est libre, libre d'aimer qui l'on veut. Et quand il souffle et que la pluie s'en mêle un peu, j'aimerais porter son enfant et aller me balader, faire coin-coin au bord du lac, jeter du pain aux canards affamés, et regarder sourire notre petit bout de nouveau-né. Elle est trop belle, mon rayon de soleil, ma lueur d'espoir. Quand je m'endors le soir, elle est trop belle. Quand ses yeux me caressent et que ses mains se baladent sur mes fesses. Mais vous la verriez, vous en penseriez pas moins. Peut-être même que vous voudriez sa main. Elle est trop belle, mon rayon de soleil, ma lueur d'espoir. Quand je m'endors le soir, elle est trop belle.